Le pardon de Sapir, une histoire du temps de Sobieski, par Léopold von Sacher-Masoch. C'était le 3 mai 1685, au temps du roi Sobieski. Une brillante troupe de cavaliers armés faisait tout à coup irruption dans le riche domaine de Brostovo, appartenant aux bénédictines de Vilna, et sans plus de façon en prenait possession. L'intendant Zaba, qui le gouvernait au nom de l'abbesse, se contenta de protester gravement contre un tel acte, puis, sans autre résistance, il se livra à son sort. Une demi-heure après cette surprise, il était déjà assis dans une salle du rez-de-chaussée attablée devant une cruche de vin. « Dites-moi donc, noble seigneur, quelle chose se passe maintenant sur la terre? Il n'y a donc plus de roi, plus de loi pour vous protéger, plus d'excommunication pour que votre maître puisse ainsi s'emparer d'une des propriétés du couvent ?» « Qui peut l'en empêcher ?» répondit Tsourovski, l'officier de Sapieha, tout en caressant sa longue barbe. « Le roi, tout au moins. D'ailleurs, qui a causé tout ce qui trouble en Lituanie ?»« Personne d'autre que les Pâques, qui se sont fait les seigneurs de ce pays en opprimant les nobles. Ces orgueilleux seigneurs qui poussèrent si loin l'arrogance qu'en 1675 ils s'opposèrent à ce que le vaillant Jean Sobieski montât sur le trône de Pologne. » Aussi, savent-ils ce que leur en a coûté cette haine? Je vais vous l'apprendre si vous l'ignorez. Lorsque l'Hetman, Michael Pack, se refusa à faire la guerre dans l'Ukraine avec le roi, celui-ci décida les Sapieha à se liguer contre les Pack. Les Sapieha avaient alors autant de biens que les derniers, mais ils n'avaient pas reçu autant d'honneur. Depuis, le roi leur assigna de hautes fonctions, et un jour ils eurent aussi une armée et des canons. Casimir Sapieha devint sous-hetman et gouverneur de Vilna. Bénédicte fut nommé grand trésorier, Michael grand écuyer et le plus jeune, Léon, mon honorable maître, fut trésorier du roi et palatin de Pollock, et lorsque l'an passé, Michael Pack vint à mourir, le roi nomma à sa place le noble seigneur Casimir Sapieha. « Je comprends parfaitement, » dit l'intendant s'enfonçant dans sa graisse. « Mais en quoi cela peut-il nous intéresser, nous qui servons l'Église ?»« Vous avez raison, » poursuivit Pan Zouravski. « Cependant, il y a une chose que vous semblez oublier. Votre abbesse et maîtresse n'est-elle pas une Pâque ? C'est une raison suffisante à monseigneur pour prendre possession de Brostovo, ne serait-ce que pour confondre cette arrogante famille qui fait parade de descendre les fameux Pazzi de Florence et qui prétend avoir fait construire le couvent de Vilna en l'honneur de Sainte-Marie-Madeleine de Pazzi, la pieuse parente du célèbre Hetman. En effet, il nous a coûté 2 millions, repartit l'intendant en poussant un long soupir. Et malgré cela, il n'est pas encore terminé. Peu de temps après la prise de Brostovo, le palatin Léon Sapieha, escorté d'une brillante suite, entrait dans Vilna et descendait de cheval devant la porte du couvent. Il demanda à l'abbesse une audience qui lui fut accordée sur le champ. Le palatin fut reçu par 2 vieilles nonnes qui le conduisirent dans une salle luxueusement meublée. Il attendit quelques instants l'abbesse. Lorsque celle-ci apparut, Sapieha fixa tout d'abord sur elle son regard hautain, un regard presque de mépris, mais sa figure prit bien vite une expression de surprise et d'admiration. Il avait devant lui une jeune femme de toute beauté, pouvant avoir tout au plus 25 ans, d'une grandeur moyenne. Elle avait la taille élancée, aux formes virginales. Par-dessus son vêtement blanc, elle portait une longue robe traînante bordée de soie violette et recouverte d'une hermine princière. Sous le blanc vélum qui dissimulait sa blonde tête, quelques cheveux d'or s'échappaient discrètement et semblaient se jouer avec ses petites oreilles roses. De sa fraîche et ronde figure qui exprimait la distinction perçait 2 grands yeux gris qu'elle fixait malicieusement sur le jeune seigneur. Sapieha ne reprit contenance que lorsque la belle religieuse s'assit et l'invita à prendre place à côté d'elle. « C'est parfait, monsieur le palatin, » commença-t-elle en lui lançant un malin sourire. « Votre conscience ne se révolte donc pas devant le péché, pour que vous vous enrichissiez ainsi avec les biens de l'Église. Vous ne redoutez donc pas les tourments éternels. J'ai bien autre chose en tête, » repartit Sapieha sur un ton joyeux. « À quoi pensez-vous, si j'ose vous demander ?» Je pense, continua le jeune et beau palatin caressant sa barbe d'ébène, combien c'eût été préférable si, au lieu de vous faire la fiancée du ciel, vous étiez devenue ma femme. Pourquoi me flatter? N'êtes-vous pas mon ennemi? Repartit Elimena avec une gracieuse ironie. mais en même temps sa figure se couvrait d'une légère rougeur. « Je parle sincèrement, » poursuivit Sapia. « Vous auriez été pour moi une femme comme aucune autre. Et cette alliance, en unissant nos familles, aurait rendu la paix à notre pays. Tout est fini maintenant, hélas. Qui sait si je n'aurais pas le regretté un jour ?» ajouta Télimena, baissant les yeux, pendant que sa petite main jouait gracieusement avec la fourrure de son manteau. « Cependant, dans l'état actuel, la paix ne serait-elle pas préférable au combat ?»« Tout cela dépend de vous. Je suis prête à un arrangement. »« Eh bien, je vous restituerai, Brostobo, aussitôt que vous m'aurez permis de loger quelques-uns de mes soldats dans les propriétés du couvent et pour un temps non déterminé. »« Que dites-vous ? » fit l'abbesse s'animant tout à coup. « Non, cela ne peut être. » « Donc je garde Brostobo, malgré votre vénération pour moi. Allez à Rome, Télimena !» continua Sapia, dont les yeux brillaient avec plus d'éclat que de coutume. « Essayez d'obtenir une dispense. Avec de l'argent, on peut tout recevoir de Rome, et dès que vous serez délié de vos chaînes, je me jetterai à vos pieds. »« Vous vous jetteriez ainsi à mes pieds. » repartit l'abbesse, ne cessant de tourmenter sa pelisse. « Vous ne connaissez donc pas la puissance de l'Église ? Je ne connais que la vôtre. » Télimena, celle-là me cause plus de crainte. Alors rendez-nous notre bien. Vous connaissez mes conditions. Je ne puis les accepter. Sapia haussa les épaules et l'abbesse ajouta. Donc vous ne voulez pas me restituer Brostovo? Non. Vous voulez la guerre. Puisque vous m'y forcez, belle dame. Bien. Restons en guerre, conclut Télimena, se levant de sa chaise. Mais je vous jure que la paix ne sera faite entre nous que le jour où je vous verrai vaincu à mes pieds. Le palatin s'éloigna en poussant un long soupir. Pour la première fois de sa vie, il rencontrait une femme qui lui résistait. Après son départ, l'abbesse se promena de long en large dans la salle, et les bras croisés, elle méditait en silence. Sa poitrine se soulevait sous son riche manteau d'hermine. Dans ses yeux se lisaient la malice et la ruse, et sur sa bouche rosée se jouait un fin sourire qui laissait comprendre que la belle religieuse venait tout à coup d'imaginer un plan. Soudain, elle s'arrêta, et son doigt, auquel brillait un superbe rubis, jetant des feux étincelants, lança un geste de menace vers la porte par laquelle le palatin était sorti. Sapia avait aussitôt pris les devants. Peu de jours après cette entrevue, un détachement de ses cavaliers s'arrêtait devant le couvent et pénétrait de force dans ses murs. Ce que voyant, l'abbesse, qui à ce moment était assise dans sa chaise abbatiale et revêtue de son manteau d'hermine, se contenta de cligner de l'œil. Elle était là, qui paraissait sommeiller, semblable à un chat épiant les souris qui dansent autour de lui. Elle reçut avec beaucoup d'égard le chef de la troupe, le chevalier Pan Klabrowski, et l'invita même à sa table. Après le déjeuner, l'officier était si émerveillé de la gracieuse hospitalité de l'abbesse qu'il manifesta le désir de boire dans son soulier. Une vieille coutume polonaise destinée à rendre hommage aux dames. Télimena consentit à cette déférence avec une grâce parfaite, et après avoir lancé un regard furtif à la sœur Lodoïska, qui avait la direction des caves, elle commanda une des meilleures bouteilles de Tokay. Dès que celle-ci fut apportée, Klabrowski mit un genou en terre, se baissa jusqu'au pied de Télimena, et avec des yeux déjà brillants, le galant officier tira délicatement une des pantoufles de velours. À peine sœur Lodoïska l'eut-elle remplie, qu'il en vida le contenu d'un seul trait, et jeta un viva en l'honneur de l'abbesse. Lorsque Klabrowski eut repris sa place à côté de Télimena, celle-ci se mit à l'observer. Déjà sa langue devenait épaisse, déjà le sommeil commençait à l'envahir. Enfin ses yeux ne tardèrent pas à se fermer, et Klabrowski s'endormit avec le calme de l'enfant au berceau. Télimena secoua la tête et regarda l'officier sous le visage avec une joie presque enfantine, puis elle fit signe à ses nonnes. Tout ensemble se mirent à battre des mains et à rire aux éclats. L'abbesse, donnant le signal, saisit le bouchon de la bouteille vide, le fit noircir à la flamme d'un cierge, et se servant de celui-ci comme d'un pinceau, elle lui traça sur le visage une paire de lunettes noires. Sœur Lodoïska fit de même, une deuxième nonne lui ajouta une épaisse virgule sur le nez, enfin, les pieuses femmes prolongèrent quelque temps leur jeu sur la face du pauvre Klabrowski, accompagnant leurs exploits des rires les plus bruyants. Pendant ce temps, les cavaliers que l'intendant avait à charge des vergers tombaient de leur siège l'un après l'autre, plongés dans un profond sommeil. Sur un ordre de l'abbesse, ils furent transportés et jetés pêle-mêle dans une sorte de cachot souterrain qui tenait lieu de bûcher. Grabowski et ses hommes furent placés sous bonne garde, et après que l'abbesse elle-même se fut assurée de la sécurité de ses prisonniers, le soir venu, les religieuses, Télimena la première, se livrèrent à une joyeuse mascarade. Vivement, les jeunes nonnes se changèrent en soldats, et l'abbesse se parait du manteau de l'officier et se coiffait de son casque. Les sabres et les cuirasses brillaient dans la cour du couvent. Ce fut au milieu d'un immense éclat de rire que la joyeuse troupe se mit en selle sur les chevaux de la garde de Sapia. Le détachement partit au galop à la faveur de la nuit étoilée et arriva bientôt aux portes de la petite ville de Grodno. Il fit halte dans le quartier des Juifs, devant la maison du riche marchand Mardoké, dont la fille, la belle Esther, passait, et Télimena le savait, pour avoir les faveurs du jeune seigneur. Des Amazones descendirent de cheval, frappèrent à la porte avec le pommeau de leur sabre et demandèrent à entrer. Mardoké était précisément absent. Sa fille parut à la fenêtre et, tout effrayée, s'enquit du motif de leur visite. « Nous venons sur l'ordre du palatin, » enlever la belle Esther. La jeune fille se résigna aussitôt à son sort. Elle rassembla ses bijoux et quelques autres objets de valeur, puis elle sortit, la tête enveloppée d'un voile épais. On la hissa sur un cheval, et la petite troupe reprit en toute hâte la route de Vilna. Quelque temps se passa, avant que le palatin eût connaissance de cet enlèvement, quand un jour, venant à Grodno pour voir sa belle, il trouva le nid vide. Il ne fut pas long à reconnaître la petite main qui avait imaginé ce jeu. Il courut tout droit à Vilna, vers l'abbesse, et exigea la restitution d'Esther et la mise en liberté de son officier et de ses hommes. Télimena, en l'entendant, haussa les épaules. « Ne sommes-nous pas en guerre ? Chacun cherche à faire des prisonniers. » Sapia s'en retourna comme il était venu. Mais lorsqu'il revint avec une troupe d'hommes à pied et une escorte de cavaliers, il trouva, à sa grande surprise, le couvent en état de défense et occupé par les soldats du Pac. Le pont est élevé, les fossés remplis d'eau, les murailles hérissées de canons, et par-dessus le monastère, le manteau d'hermine de l'abbesse flottait au vent comme un véritable étendard. Le palatin n'osa pas ordonner l'attaque. Il se contenta de faire cerner le couvent dans l'espoir que par la famine, il aurait bientôt raison des nonnes. Après 8 jours de siège, l'ennui commença à le gagner. Un matin, il faisait le tour de la sainte forteresse, en proie à la plus mauvaise humeur, quand il aperçut l'abbesse se montrant sur les remparts. Il la salua et lui demanda si son garde-manger n'était pas encore vide. « Nous mangeons et nous buvons très bien, » répondit la belle guerrière, « mais je m'ennuie considérablement. Si vous étiez un galant seigneur, vous seriez déjà venu me tenir compagnie. Très volontiers. Je vous invite à dîner ce soir. » Sapia vint en effet au couvent, et le repas fut aussi copieux que joyeux. « Où est donc ma juive ?» demanda enfin Sapia. « Esther ? Ah, c'est une charmante jeune fille, » reprit l'abbesse en souriant. « Elle fera son bonheur à Rome. Quoi ? Vous plaisantez ? Je suis fier d'avoir sauvé une si belle âme. Elle s'est laissée baptiser. » Puis il est parti pour la ville sainte avec une lettre de recommandation auprès de plusieurs cardinaux. Sapia resta un moment comme privé de parole. « Et mes soldats, sont-ils aussi à Rome ? Je vous rendrai aux hommes dès que vous m'aurez donné votre parole que vous n'emploierez plus la violence contre moi. Il est vraiment peu digne, de la part d'un homme d'esprit, de combattre une dame avec de telles armes. Voilà ma main. Vous vous décidez à ne plus rien entreprendre de semblable contre moi ? Je vous donne ma parole d'honneur. « Et Brostovo, je le garde. »« Donc nous continuons la guerre. » L'abbesse rendit les prisonniers et Sapia se retire avec sa petite armée. Le jeune seigneur tint parole. Télimena aussi demeura tranquille pendant tout l'été, mais au commencement de l'automne, elle reprit les hostilités à sa façon. Elle avait appris que Sapia briguait la main de la fille du gouverneur de Vilna, Jadwiga Oginska. Le mariage était annoncé et fixé, et déjà le trousseau de la jeune fille était prêt, quand un beau jour, Jadwiga fut enlevée de la maison paternelle. Sapia ne se creusa pas longtemps la tête pour découvrir le ravisseur de sa fiancée. Il alla d'un trait au couvent et demanda une audience à l'abbesse qui la lui accorda sur le champ. « Où est Jadwiga ? » demanda-t-il aussitôt. Télimena répondit par un rire bruyant. « Serait-elle aussi partie pour Rome ? Elle est en Cracovie. » « Et dans quel but ? Elle s'est décidée à prendre le voile. Quelle folie de s'enterrer vivante ! Pourtant, je me trouve bien dans la vie du couvent. Vous pouvez en juger. » Vous avez donc juré de me ravir toutes celles que j'aime ? Toutes. Ça n'est pas sérieux. Très sérieux, et je ne céderai pas avant que vous soyez à mes pieds. Et si, dans un moment de désespoir, il me prenait fantaisie de vous enlever ? Rien ne nous en empêche, répondit Télimena, se raillant gracieusement de lui. Ce serait cependant un véritable événement, car pareille aventure ne m'est jamais arrivée. Il est pénible de combattre avec vous. Rendez-vous donc. Pas encore. Pour se consoler, le jeune palatin se prit à faire la cour à la jolie veuve du gouverneur de Séradin, dame Bona Bialopintrovitch, bien que celle-ci eût la réputation d'y conduire tous ses adorateurs. C'était un riche parti. Aussi, lorsque Bona parut répondre aux avances galantes du jeune seigneur et qu'on vit celui-ci, le soir, pénétrer dans la demeure de la belle, plus d'un mania envia le sort de Sapia, qui trouvait tant de faveur auprès des femmes. La date du mariage était déjà annoncée quand un jour, la veille de la chandeleur, Télimena, amie d'enfance de Bona, arriva subitement lui faire une visite. Elle lui reprocha sa conduite légère et, avec des accents de sincérité, lui parla des souffrances qu'elle se préparait pour l'éternité. Elle sut si bien lui peindre les douceurs et le calme de la vie du couvent qu'elle partit après avoir décidé Bona à quitter le monde. Le lendemain, la galante dame écrivait à Sapia une lettre de renonciation, puis elle allait se retirer dans le couvent de Vilna et laver ses fautes dans l'humiliation et la prière. Lorsque cette fois Sapia apparut devant la porte du couvent, l'abbesse se refusa à le recevoir. « Je ne m'en retournerai pas ainsi, » exclama-t-il, « j'emploierai plutôt la force. Notre chère mère se trouve en ce moment dans la chapelle où elle est à l'abri de vos menaces, » lui répondit la sœur portière. « Commettrais-je un sacrilège si je pénétrais de force ? Certainement, car aucun homme ne doit franchir le seuil du couvent. » Sapia réfléchit un instant et se mit à sourire. « Je ne le franchirai pas, je vous en donne ma parole d'honneur. Mais l'abbesse me recevra quand même. » Il éprena vivement son cheval qui sauta par-dessus le mur et vint s'abattre comme un insensé devant le parloir. Sapia descendit de cheval et alla se camper fièrement devant l'entrée. « C'est un véritable coup de maître, » fit Télimena, qui, toute joyeuse, alla à la rencontre du jeune noble. Elle le prit par le bras et le conduisit dans une salle magnifique. « Pour cette fois, je m'avoue vaincu, » ajouta-t-elle en se renversant sur un coussin moelleux. « Vous me rendrez Bona ?»« La pauvre Bona, elle en serait elle-même bien peinée. Elle fait pénitence en ce moment, et je crains fort qu'elle ne soit tout jamais perdue pour vous. » « Vous avez donc fait un pacte avec le diable ?»« Au contraire, je le chasse. »« Et comment ?» demanda Sapia, prenant place à côté d'elle, avec le fouet. « Quoi ? Vous flagellez, Bona ?»« Certainement, et aujourd'hui même. »« Oh, Télimena ! Pouvez-vous être aussi cruel envers cette jeune et belle femme ?» Bona choisit ce moyen pour sauver son âme. Elle s'est placée sous l'invocation de Sainte-Marie-Madeleine de Pazzi. « Non, non, jamais cela n'aura lieu !» s'écria le palatin. « Exigez de moi tout ce que vous voudrez, triomphez de moi, mais rendez la liberté à Bona. » »« Donc, vous vous soumettez ?» Et Télimena l'observa la dérobée. « Oui. » »« Alors, nous pouvons causer. Dictez-moi vos conditions. Je vous rendrai Bona, avec ses biens et sa dot, en retour, ou me restituerez Brostovo. Acceptez. » Sapia laissa échapper un profond soupir et baisa avec passion la main que Télimena lui tendait pour confirmer ses conditions. Mais soudain, un sourire malicieux glissa sur ses lèvres roses et ses yeux s'allumèrent d'une expression de triomphe. « Mais, les vœux de Bona ?» reprit l'abbesse, épiant de son regard le jeune palatin. « La liberté lui sera rendue si le salut de son âme ne doit courir aucun danger. C'est impossible. Il n'y a qu'un seul moyen de sauver Bona. Lequel ? Que vous, mon cher palatin, vous preniez sur vous la pénitence de Bona. Je suis prêt à tout. » fit Sapia, paraissant décidé. « Quelle pénitence allez-vous m'infliger ?»« C'est ainsi que doit parler un gentilhomme polonais. Je suis contente de vous. » poursuivit l'abbesse, jetant un regard sur Sapia, un regard que celui-ci ne comprit pas, mais qui lui bouleversa le cœur. « Attendez-moi, je vais donner mes ordres. » Un quart d'heure plus tard, Télimena se trouvait dans la chapelle, au pied de l'autel illuminé par les cierges. Et pendant que, dans leur stalle, les nonnes entonnaient le chant de la pénitence, Sapia se tenait devant l'autel, couché sur un tapis, la face contre terre et les bras en croix, implorant la miséricorde et le pardon. Télimena descendit lentement les degrés de l'autel et, s'approchant de Sapia, elle lui dit « Vous voilà donc à mes pieds, et cela sans aucune dispense de Rome. Levez-vous maintenant, c'est assez. » Sapia se releva à demi et resta à genoux devant elle. « Et quelle punition allez-vous m'imposer, Télimena ? Mon Dieu !» répondit l'abbesse avec une ironie aimable. « Je vous marie avec Bona, n'est-ce point assez ? Vous croyez me punir ainsi ? En tout cas, la cruauté est bien raffinée. Non, je ne me marie pas avec Bona. J'ai votre parole, vous avez raison. Venez donc. » Télimena le prit par le bras. Où ? Vers Bona. Elle le reconduisit dans la salle dans laquelle le palatin avait déposé ses armes. « À vrai dire, il m'est tout à fait indifférent d'épouser Bona, » reprit Sapia, se consolant. « La seule qui aurait pu être une femme pour moi. Je n'ose vous la nommer. C'est épouvantable, Télimena, que vous vous soyez donné au ciel. » « Qui vous le dit ?» repartit vivement la belle religieuse, se renversant dans un magnifique divan turc, et dans un mouvement gracieux, laissant apparaître discrètement sous son manteau princier deux adorables petits pieds chaussés dans de ravissantes pantoufles de velours. « Comment dois-je vous comprendre ? C'est bien simple. Vous n'ignorez pas que la plupart des jeunes filles nobles revêtent le costume du couvent, acceptent même certaines dignités, sans que pour cela elles soient tenues de prononcer des vœux. Tel est mon cas. Je n'ai ni pris le voile, ni ne me suis fiancé avec le ciel. « Oh, Télimena ! » s'écria le palatin, dont l'âme jubilait de bonheur. Il attira passionnément à lui sa jeune et belle ennemie et tomba à ses genoux. « Je vois qu'il ne me reste plus qu'à devenir votre femme, » conclut Télimena avec un adorable sourire. « Mais vous voilà encore à mes pieds. » « Et cette fois pour toujours !» exclama Sapia, transportée d'amour et de bonheur. Ainsi s'achève « Le pardon de Sapia », une histoire du temps de Sobieski, par Léopold von Sacher-Masoch.